l'occasion de la Journée du Soleil, les membres des représentations du Programme des Nations Unies pour le Développement, du Programme Mondial de l'Alimentation, de l'Organisation Mondiale de la Santé, du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture et du Fonds des Nations Unies pour la Population ont déposé le 12 les corbeilles de fleurs devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il sur la colline Mansu avant de leur rendre hommage.